authentique rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i. Donc le professeur Asselam jeûnait bien les 9 premiers, d'accord. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné les mérites de Dhul-Hijjah, des 10 premiers jours, car il y a les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montrent les mérites de jeûner les 10, qui nous montrent les mérites des 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, d'accord. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit jeûner, que l'on doit jeûner le 10e. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma min ayyamin العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر رواه البخاري. dans un hadith rapporté par al-Bukhari, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: les actes, les jours dans lesquels les actes pieux sont les plus aimés chez Allah sont ces jours. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit sont ces jours, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah font partie des meilleurs jours de l'année. Les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah font partie des 10 meilleurs jours de l'année, car les actes pieux que tu fais durant ces jours-là sont les plus aimés et les plus appréciés chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a été questionné: quels sont les meilleurs de ces jours? Est-ce que c'est les 10 premiers de Dhul-Hijjah ou bien les 10 derniers du Ramadan? Non, je connais l'histoire. Non, tu la connais, tu Mon ami a dit les 10 premiers, les 10 premiers jours de l'Hijjah, c'est les meilleurs au niveau de la journée. Ahsant. Et Ramadan, c'est les 10 derniers jours qui sont meilleurs au niveau de la nuit. Ahsant. Donc la réponse de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit que les 10 premiers jours de l'Hijjah sont les meilleurs lorsque l'on parle de la journée. Et yani le jour. D'accord, de ces 10 premiers jours sont les meilleurs de toute l'année. Et quant aux 10 derniers jours du Ramadan, ce sont les 10 meilleures nuits. Ce sont les 10 meilleures nuits de l'année. Car dans les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, il y a Yawm al-Tarwiyah. Qu'est-ce que Yawm al-Tarwiyah? C'est Yawm al-Tarwiyah. C'est quoi Yawm al-Tarwiyah? C'est le 8e jour de Dhul-Hijjah. C'est le premier jour de Ayyam al-Hajj. C'est le jour où les gens se dirigent vers Mina. D'accord. Il y a dans ces 10, il y a Yawm al-Eid. D'accord. Et il y a tous les actes que l'on fait qui sont al-Tawaf, qui sont al-Sa'i, qui sont al-Dhabh, etc. D'accord. Tous ces actes pieux qui montrent, et Arafa également, d'accord, dans ces 10 premiers jours, y compris aussi à Arafat. Donc tout cela nous prouve, comme le dit Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, que ce sont les 10 meilleurs jours de l'année. Et quant aux 10 derniers jours du Ramadan, ce sont les 10 meilleures nuits. Car dans ces nuits-là, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois, qui est Laylat al-Qadr, qui est la nuit du destin, qui est meilleure que 1000 mois. C'est clair pour ça? Taïb. الأيام المنهي عن صيامها. Donc là, l'auteur entre dans le chapitre des jours qui nous sont interdits de jeûner. أولا يوم العيدين. Premièrement, les deux jours de fête. عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. حديث متفق عليه. Donc selon Abu Ubaid Ibn Azhar, il dit: j'ai assisté à un jour de fête avec Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه, et il a dit: ce sont deux jours, ce sont deux jours dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de jeûner. Yawmu fitrikum min siyamikum, le jour où vous rompez votre jeûne, c'est-à-dire Eid al-Fitr, wal yawm al-akhar, et l'autre jour où vous mangez de vos bêtes égorgées. OK.